passé à l'action. L'idée de rompre sa mission, ça pas question. Pendant leur achalandé, il entre dans une salle de cours. Chacun remarque son sur ses faux.